Hébreux chapitre 13. Que la charité fraternelle demeure dans vos cœurs. N'oubliez point l'hospitalité, car par elle quelques-uns ont logé des anges, n'en sachant rien. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez emprisonnés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même du même corps. Le mariage est honorable entre tous, et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Que vos mœurs soient sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit, « Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » De sorte que nous pouvons dire avec assurance, « Le Seigneur m'est en aide, et je ne craindrai point ce que l'homme pourrait faire. » Souvenez-vous de vos conducteurs, qui vous ont porté la parole de Dieu, et imitez leur foi, en considérant quelle a été l'issue de leur vie. Jésus-Christ a été le même hier et aujourd'hui, et il l'est aussi éternellement. Ne soyez point emportés ça et là, par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non point par les viandes, lesquelles n'ont de rien profité à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dans ceux qui servent dans le tabernacle, n'ont pas le pouvoir de manger. Car les corps des bêtes dont le sang, est porté pour le péché par le souverain sacrificateur dans le sanctuaire, sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc vers lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire, le fruit des lèvres, en confessant son nom. Or n'oubliez pas d'exercer la charité et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Obéissez à vos conducteurs, et soyez leur soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme devant en rendre compte, afin que ce qu'ils font, ils le fassent avec joie, et non pas à regret, car cela ne vous tournerait pas à profit. Priez pour nous, car nous sommes assurés que nous avons une bonne conscience, désirant de nous conduire honnêtement parmi tous. Et je vous prie encore plus instamment de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Or, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang de l'Alliance éternelle, savoir, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende accompli en toute bonne œuvre, pour faire sa volonté, en faisant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit gloire au siècle des siècles. Amen. Aussi, mes frères, je vous prie de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit en peu de mots. Sachez que notre frère Timothée a été mis en liberté, je vous verrai avec lui, s'il vient bientôt. Saluez tous vos conducteurs, et tous les saints. Se dit-elle, il vous salue. Grâce soit avec vous tous. Amen.